y penser, j'ai fait semblant. Mais tout me ramène encore à toi. Je tourne en rond face à ces questions sans réponse. Qui voudrait me voir abandonner? Seras-tu là quand mes nuits seront longues? Sauras-tu seulement m'aimer? Je voudrais y croire, pourtant quelque part, j'ai si peur. Mes peurs ne seront plus les mêmes. Promets-moi, promets-moi.